Thank you. Thank you. J'aimerais bien le faire avec toi, sur un autre serveur. Take me home, I'll be gone. De qui? Forever.